أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الجمعة سورة الجمعة جمعة جمعة موغنا moy dafa am jumaa ak jumaa mais jumaa bi jumaa mom mo gina ki lu tudu moy afsah lañ ko wax mo gëna ñu koy wax mo gina fasa nako ki di wax ak leg leg en tout cas mo gina moy langue bi gina juk jumaa jumu ça n'a rien à voir avec ad jumu si si mom la waaw ci la ko wolof jele ah way way aljuma moy vendredi moy vendredi way yawmul jumu'ati moy jouru vendredi ah jour la nak bo xamne bu bari moy jour bi gën ci monde bi ci adina bi jour yeb mom mo ci gën jour bi ah way aljuma lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxne jour bi nga xamne ci la jant bi massa fenk jour bi mo xam nga jant bi mo ngi fi saasuna jour bu bi jant bi massa fenk bi geun moy jouru aljuma jouru aljuma te ci le bind tamit mam adam alayhi ala nabina afdalus salatu ala nabina wa alayhis salatu wassalam ta tamit neena ci la adina bi tukki jouru aljuma mo tax mo ne meme rabbi ñom bu aljuma yu waji ñew dañuy tit dañuy fogné dañuy ragal né aduna té mukki mais ñun ñu yégué di ñu nit ñe ginné ñom sen yoon mer té sax ñu organisé ci bénn soirée ñom dañuy tit diko wajal japp né hé bo démé dé té mu tukki mom ñun suñu yoon néwu ci waaw waaw jour bi gën légui nak xam nga hadisi amna yu nane le jour yi gën moy 10 jouru muharram yi moy jouru tabaski 10 yoyu nga am jour bu nane nak jour bi gën moy jouru arafat wa jouru arafat voilà legui lolu nagn lañ len di bolé dañ nane le jouru aljuma mo gën ci jouru semaine bi way way boudé par semaine ngay jël par semaine way jouru aljuma mo gën boudé annuellement ngay jël ben jour béré ben ki lu num tuddou théâtre nek pa jour num tuddou sank li mo sank moy arafat ak tabaski jour boudé nak jour yi nga xamné non jouru tabaski voilà tabaski moy 10 jours yoy ak laylatul qadr laylatul qadr goudi la mom goudi ki la waaw alors que boudé le mo tax ñu entre laylatul qadr ak 10 jours yele nga xamné mom lay wax wala yali nash wal fajri wala du lol wal fajri wala yali nash wa shafi wala wala yali nash moy 10 yoy moy wat ci yoy ndax seen gënaay yoy moy ci beccëg gi mo tax mo né jëf yow ci jëf jëf gogou jëfu beccëg yoy danaka lolou beccëg gi la considérer alors le yitem alors que laylatul qadr goudi gi la voilà boudé semaine bi bis bi bis wa djuma mo gën boudé annuellement bis yu goudi yoy no mu tuddou layali nashri ak jouru arafat ak tamit jouru xam nga jouru tabaski tamit moy lañuy woyé yawmul hajj al akbar tamit waaw dem jouru bokku na ci jour yi gën tamit jour bokku né boudé ci semaine bi aljuma mo gën lolou yenen bi sallallahu alayhi wasallam khayru yawmin tala'at fihi wala tala'at fihi ash-shams yawmul jumu'ah don tok fat ko kon jour aljuma bi mo gën ci jouru semaine bi ci le bind adam comme niñ ko ma adam alayhi salatu wassalam ci lako dougal aljana ci le guenne ci lay adina di tukke tamit voilà ba adina tukke nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ñi gina yees ci nit ñi ci seen ci ñom lay adiyé ci ah way ñu baax ñep dina dem wa ngalaw lu seed ngalaw lo xamne mo gina woyof lay doon moy ñew kep ko xamne am nga ngeum yalla ci yow boko noyé da ngay dé ndaysan c'est alors yéfé rek lañuy baye ñu nekk fi kacior yi ñuy wër ci ci mbeddi melni ay mbam yu reer bi wër ba ñu fekk la ba ñom nak yépp ñom lay dal duka ñom xamam lolu hein il sa wa ndax demu ñu ko sax alors ça sera bien sax le monde sans musulman très bien lolou kay lay ñu way na gaaw ñu way tous les mots du monde c'est vous ngeen fi joggé gay c'est bien man nañ la don don non mais ñom xamuñu légui nak sar bi suratul juma le fait que jour à juma surtout djulli aljuma bi djulli aljuma medina la ko yandi sa salam de ka defe makka masufa djulli djulli aljuma bi mu deme ci ansar yi fofu fa la ndek djulle fa la ndek djulle aljuma fofu mo fi ni dem de ziyare de defe an no sa c'est le samedi la ah yow ko djulle Quba Quba mas djulle Quba fofu da do fa djulle tous les samedi te julli fofu mo umra waaw ñu melna ko umra motax samedi mom dafa doon julle sa suma tous les samedi legui aljuma fofu lañ ko ñëk julle après fofu ñu ko julle bahrain gi ngay dégg ni ya nga dégg dekk bobu ñaan bahrain fofu la ñëk julé aljuma après biko wa ansari fofu defé ci kër no sahabi bi tuddu sand ibn zurara buma joomula fatena tour exactement fan lañ ko julé ti mais fofu la ci madinatul munawwar ala sakin abdul salatu wassalam aljuma nak dafa bari ay ngeenele yo xamné bokku na yi ci upp xam nga jangal quran sa suné moy zikar bi gën zikar bi gën moy jangal quran yaronbi sallallahu alayhi wasallam dañe aljuma nak ngayen ci bari lu ngeen di julle ci man lu ngeen di julli ci man voilà moy né légui nak mi ñi bolé lolu moy bari julli ci yaronbi sallallahu alayhi wasallam aljuma tekki wul né légui alquran jour bi yeb duma ci jang dara dedet moy jang ci me consacré sa lu upp ci sey ki ci julli ci rafi sallam na neena kenn du kenn ci yeen du julli ci man ludul yalla amna malaka bu mu def bo xamne mo manan diw doomu diw diw julli na ci yaw ma fay ko musa doomu mudu njay ak ramay jey julli nañ ci yaw lolou lañ koy wax mu fay la day suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ko ku julli ci yow ben yon ma julli ci mom fukki yon wa da yalla bu julle ci jamam koku moy naruko alak yermundem rek mo ci nek mune aljuma nak legi budi julli aljuma li gën moy teela dem yona nabi sallallahu alayhi wasallam dane man raha fi sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana mone kep ko xamne da nga teela dem aljuma juti juma ji pour bu julli ji aji jakka ji ci premiere heure bi mo ngi melni ko xamne dafa joxe dafa rendi won nu mu tuddu gellem saraxe ko ko dem ci deuxième bi fa ka annama qarraba badana non baqara comme koko ki ñew ci deuxième heure bi comme ko xamne mom nag la rendi saraxe ko gele mo op nak legui mo ne bo ku ñew ci 3e bi dafa melni ko xamne xar après moy dem ba wax ay nen ko xamne mo ne nak am neur bon bo ñew nak bu imam bi duggu se nak malaake do bindu ku duggu malaake dañuy bindu di mo ak sina heure sangam bu imam bi duwe ñu lem seeni kay tok di deglu khutba mo tax tok di setan tele man tey bi jotta bu wala ñun mom dañu tambul waaw waaw c'est ça da ngay xol li ngay xol ba paré doro dem jull waaw gaay mom dañuy tok nan non il est quelle heure waxtu bi xamnañ né waxtu 1 heure lañuy commencer khutba mais non mais khutba imam bi dafa gudd quoi 30 minutes lay def alors je pars à 25 comme c'est 5 minutes d'ici comme ça mo agge rek fekk ñu tabba alors dem bi téla dem bi deglu mo gën way ñoo mom mi ngi xaj seen bop ñi yo xamanteni ñi yu adina ak al-akhirah télé bi ñi sétan ay ñi seen ñi ban jariñ la mais au moins baye ko pour li tay néw ñu fi do sama jëk loolu do toujours dalen di tabel xalé yi toujours télé non day tardel c'est ça ko yeug nak c'est que buñ la koy wax ni do ko faalé quoi da ngay nemo mais demal ba ci kanam man nga yalla man na la dimbali nga tel ci conscient bu yagul mais leg leg bo ci conscient de trop tard ouais ndax yi nga warona def motax yala nabi sallallahu alayhi wasallam waxon hadith abdullah ibn abbas sak ça c'est ça avait pas la télé on aurait plus yi lu bari ngay def beaucoup de choses tu vois parce que tu vois il y a des choses yo xam do bëgg mu raté la tu vois donc lo amé ima bu amul won bu amul won moy yaw yoy yoy do ba sax xala pas le temps bi ngay am rek way pour faire beaucoup de choses moy yaw man nga fi motax nit ñi dañuy japp xam xam dafa difficile Ouais, c'est pas ça, ouais. Mais buñu consacrer won, waxuma né, waxuma 100% li ñi consacrer ci télé bi nañ ko def ci xam xam, mais 2% bi ñi consacrer ci télé, buñ ko defon ci xam xam. Waaw, dañ nan ki ken raw. Mais garu ñu may yoy sax même burul lolu sa adina xam xam, ta xam xam buñu ko waxe waxu ñu xam xam wu Allahira rek ka bi. Moy tamit sa adina li lay jariñ. Ngay xam boy, c'est ça, ouais. Li lay jariñ yoy. Ne bokoy set elle bi la ti wa. Lool la. Jeune là maintenant tu vois hein jangatuñ bi te soora dara tu vois bu ñëwé ci kër yi mu no lo le jangu la waaw jaar fe non waaw xolal rek tuiter waaw de tu vois après beaucoup de choses à apprendre à savoir tu vois do tuñ lire quoi billahi way lire gis nga ko waaw xalé yi waaw ngi nonu gis nga mom c'est rouboul hmm malik mi ngi commence mi ngi lire le livre waaw mo ngi tambali alcorane waaw mo ngi tambali le mom na bari lu muy lire rek lool la ko wax nako comme que ki nga moy de exercer wu ndax affaire bi legui yow legui am na base am na lool la ko mané ko mel na am nga base ci ba legui del jël livre bi xolal sœuram bi ni muy réussir ci ba toujours dama ko faama ti ba mi né parce que elle ti ba c'est depuis longtemps mané ko non c'est même pas ça parce que yayam néna mom bala dan dem ramal bobu balay dem ci serigne bi tsar bi mun nako ba paré wa day dem pour réciter rek tu vois mané ko ti avé c'est ça non ki la rek c'est que ambition la laj ah mi ngi way néna ko dé lire quoi ouais légui aljuma bi lool la moy yoyu am solo la yo xamné dafa jara bayyi xel mo tax lég lég nit ñi da ngay téla dem aljuma ñu nan la mais heure bi ngay dem ah way way c'est ça mais kañ lañuy julli ñam leen heure ñu nan la mi une heure de temps avant ngay dem tok way da bayyi ko soit nga xamal ko wala mo xamul way way c'est ça way bu dé ko xam la ni tay tay nga ko bayyi way way ko xam nak ba paré tu vois c'est ça ndax ya ken du ci doyal c'est ça moy lo xamné ken du né non man mo tax sax mo am ben règle bu nan la isara fil qurab ken du geuneul sa mbok sa ben sa mbok wala sa ben xarit wala ben julit bu man do ci lu bax moy bu lu bax joté ku nek nako def nako waaw motax buñu taxawé ci sapé yi jaka sapé yi gën ci yu goor yi moy nek ci kanam budé dafa am place yow gaawal duggu fo bul jël nan kenen demal waaw waaw demal a mu ngi melni nga nan ko demal aljana man ma taxaw ko demal gis nga ko waaw waaw do gën di jégué mo wala mo gën budé goor ñi budé jigen ñi nak lu mu gëna arrière gëna bax ah waaw waaw waaw wala légui lolu lu am solo legi nak aljuma ana ñan la war julli aljuma xam nga julli aljuma wa kay lan moy até julli aljuma moy farata la farata la way ndax xol ay bi dana ya ayyul ladina amanu e yen ni gem yalla ida nudiya buñu wote moy buñu nodde li salati ngir julli min yawmil jumaati moy fi yawmil jumaati jour aljuma fasaw na ngeen gaaw daw na ngeen gaaw ila zikrillah fekke ci tuddu yalla moy khutba bi na ngeen gaaw wuy ji kon li day wone te al amru yaqtadil al wujub moy al quran wala sharia bu digele dara lolu day wone ne limu digle farata la fek amul luy ñew luy wone ne du farata alors que dara ñewul luy wone du farata lulul wax ji day wone ne farata la te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masu ñew tokhale ci mom ne mo ngi medina te julli wul aljuma jot te julli wul aljuma julli ko tisba xana mu tukki kon lolu moy kon ci gatal aljuma te tamit amna hadith yu bari yo xamne day tukku ñi nga xamne duñ dem aljuma ñi nga xamne luñ dem bu yagge ñetti yoon da demuñu ta amuñu ben ngant yalla day tecc seen xol da xamne ñooñu boy gaay nga xamne bo le lo wax ñene di saay dañuy boole ak yalla quoi melni moñu gina ki loko wax dina xamne ni ngay wax deug la ne du ko top ndax yalla tejub xolam moy ne ak yeneen hadith yo xamne day wone ne kep ku demul ta mo ben ngant tekkuy yi ci nek lool day wone ne li farata la legi bu nekké loolu alquran ak hadith ak tamit borom xam xam yeb ijma la ken aljuma farat dulli aljuma farata la te gor ak jigen la wa legui lolu legui atté bi moy atté aljuma moy farata legui mu dess ci kan la war wa ndax buñ né farata la moy est ce que kon legui wa yéfer bi mom da wara dulli aljuma par force dulli ni tamit ñepp ci yam ñepp ci yam même goné yek digeur ñek jam yek ñepp dañu wara dulli né la nono ñemo war moy d'abord il faut qu'on ait djulit tam djulit c'est ça deug la bu nane yeufeur yi bu djulli joté djulli wuñu lolu dañ leen di bugal yowmal xiyam le fait que djulli wuñu mais buñ newon tamit ah way ben yeufeur ni ah kon tay man bayil ma djulli ah wa wa kon ma ngi ñew djulli kon dañ nane ko su djulli baxul ndax pour sa djulli bax il faut nga gëm yalla d'abord yalla way c'est ça voilà même bo defé geste yi yak ci ko defu la yeb légui kon ñimu war moy kon waji fo mu nek julit mais mu nek goor digeen ñi aljuma waru len moy du farata ci ñoom du farata ci ñoom nak tekkuul ne manu ñuko def bu len nexé ñu dem julli aljuma mais buñu julli wul buñu demul julli ji kèn du len té yow ñu miwo dédé du tax julli ji wu aljuma non non aljuma du farata ci ñoom ci goor ñel ta tax du goor ñel il faut tamit goor gi nek ko xamne day majeur am xel ba pare mo baña nek jam jam aljuma waruko xale tamit aljuma waruko ko xamantene tamit dafa nek voyage dafa voyager ko aljuma waruko moy voyage bi voyage bi ñu xam quoi moy yi ngay wañé bi mel nono voyage waaw koku aljuma waruko mais nak xam nga affaireu atay wañé sax lool fa ma day gëna guddal non nañ bay non moy dal aljuma warul ko xamne mu ngi ci voyage ñoñu kon moy kon xalé bi jam bi waji nek voyage ñoñu aljuma waru len buñu ne bu ñom nak kumu ci neex ak jigen bi kumu ci neex nak après aljuma jot ni nga dem julli ji ken du ko ne li nga def baxul moy jullem jot baxna te bu ko julle du julli tisbar moy ken du ko ne ah comme que yow waru la nak bo fi ñewé julli aljuma tamit diga julli tisbar non bu julle aljuma jeexna voilà urba ngay jot nak dalu bi di ñew ñagalo inshallah ko atté yi dabo comme ça bu ko défé ñu dooru dugg ci agalé atté yi ci dess wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.